Ruby Drummer. Del Papo Couture. Paris. Y'a pas sérieux? Nanotechnologie. Bibi, je t'aime. À l'effet du calais. Ma chérie. Joseph Berthier.